les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ce fut par des funérailles nationales que le Québec salua en 2002 la disparition de Jean-Paul Riopel. Alors que le premier ministre québécois Bernard Landry déclarait que Jean-Paul Riopel figurait parmi la courte liste des créateurs de génie, la ministre de la Culture de la Belle Province rappelait qu'il était considéré dans le monde entier comme un des créateurs les plus marquants de l'époque contemporaine. Cependant, la notoriété de Jean-Paul Riopel dans notre pays n'est sans doute pas ou plus tout à fait à la hauteur du peintre, graveur et sculpteur qu'il fut, alors qu'il aura vécu en France très longtemps, qu'il y aura rencontré l'artiste américaine Joan Mitchell et qu'il aura vécu ici avec elle la relation amoureuse et créatrice la plus féconde et la plus passionnelle qui soit. C'est dans une émission enregistrée au cœur de ses années 50, qui furent pour lui celle de la consécration aux États-Unis comme à Paris, que nous allons entendre Jean-Paul Riopel. Il répondait aux questions de Georges Charbonnier, qui l'interrogeait là en tant que jeune artiste de 33 ans, situé au point de rencontre de l'Amérique et de l'Europe. Le monologue du peintre, Jean-Paul Riopel, une émission diffusée la première fois sur la chaîne nationale le 8 janvier 1957. La radiodiffusion française présente Le monologue du peintre, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, Jean-Paul Riopel. Il y a lieu de se demander si la différence fondamentale entre les conceptions des peintres de 30 ans et celles des peintres de la génération suivante ne consiste pas d'abord dans une idée ou une perception différente du temps. Nous avons déjà fait remarquer que les peintres de 30 ans souhaitent exprimer une totalité en un instant aussi bref que possible. Mais, répondent les peintres de la génération suivante, et une génération dans le monde de la peinture, ce n'est pas 20 ans, c'est 10 ans. Mais, répondent les peintres de la génération suivante, l'instant, c'est le présent. L'instant n'a pas de durée, et la durée, ce n'est pas le temps. Les jeunes peintres souhaitent, d'autre part, échapper à la forme, à l'organisation, à l'espace, mais le spectateur reconnaît bientôt dans la toile une forme, une organisation, un espace. Il est impossible, Mario Prasinos l'a fait remarquer, de laisser sur la toile une trace quelconque sans créer un espace. Et l'on est amené à se demander si une simple question de vocabulaire sépare les uns et les autres ou si au contraire, on se trouve en présence de deux attitudes irréductibles et presque de deux mystiques. Il semble en effet que les jeunes peintres se soucient avant tout de libération. L'histoire de la peinture est pour eux l'histoire d'une succession de libérations. Libération de la forme, de l'organisation, de l'espace, libération de l'objet, du sujet, du signe. Au cri de libération d'abord se fait la jeune peinture et l'on se demande en 1957 de quoi la peinture peut-elle encore se libérer. D'elle-même peut-être. Heureusement, tout ce qu'il y a d'intellectuel dans cette attitude est compensé par l'acte, c'est-à-dire par l'œuvre, car il est dans la nature de l'artiste de laisser une trace. À la jeune peinture, les peintres de la génération suivante, répétons-le, une génération en peinture c'est 10 ans et non 20 ans, à la jeune peinture, les peintres de la génération suivante répondent « liberté ». Là, il semble bien que l'on saisisse les deux attitudes. D'une part, volonté de libération et d'autre part, liberté. Volonté de libération, c'est-à-dire volonté d'échapper à toutes les entraves par la violence. Choix de la liberté, c'est-à-dire acceptation de toutes les entraves. Non pas résignation, mais choix. Peut-être n'y a-t-il entre les deux attitudes que la différence qui sépare deux expériences différentes du temps. Aujourd'hui, vous allez entendre le monologue de Jean-Paul Riopel, qui a 30 ans et qui a quitté le Canada pour vivre à Paris. Jean-Paul Riopel appartient donc à la génération qui veut se libérer de. Déjà dans son œuvre, le spectateur voit de la liberté. Jean-Paul Riopel est canadien-français. Il se trouve donc au point de rencontre de deux civilisations, s'il y a lieu de les distinguer, la civilisation et l'art de l'Amérique du Nord, la civilisation et l'art de l'Europe. Jean-Paul Riopel, y a-t-il lieu de penser en ce moment que l'art du continent américain, de l'Amérique du Nord en particulier, colle mieux avec les choses, avec la vie de l'homme moderne, que l'art européen? Je ne crois pas que l'art actuel soit cloisonné, c'est-à-dire qu'on passe à un art tout à fait différent et tout à fait autre que ce qui a été fait dans le passé. Donc l'art que les Américains pratiquent vient d'une position qui est européenne au fond, c'est-à-dire que ses précédents sont européens. Dans les différents milieux, il faut dire que c'est peut-être l'expressionniste qui les influence le plus pour le moment. Mais je ne crois pas que ça soit complètement quelque chose de révolutionnaire. Quoique certains peintres de ce milieu peuvent faire un art absolument d'avant-garde. Le tort que je mettrais, et ça ils s'en débarrasseront sûrement, c'est de penser que c'est un îlot isolé et que, au fond, l'Europe est trop vieille pour pouvoir se permettre des aventures aussi importante. Mais le jour où ils auront compris que l'art est universel, et non faire de, par exemple, de New York un point central, ce jour-là, je crois que vraiment, de toute façon, la nature américaine, le climat dans lequel ils se meuvent, semble pouvoir permettre, en tout cas, si on pense que, par exemple, la richesse est un moyen de donner une liberté à l'art. C'est pas encore pour parler des peintres. Les peintres peuvent être pauvres, mais la richesse en soi permet aux peintres d'être plus libres. Elle permet au moins l'acquisition de l'œuvre d'art. Oui, c'est ça. Et il me semble que les grandes civilisations sont des civilisations riches. J'entends pas par là strictement matériellement, mais enfin, le matériel et l'autre point peuvent quand même se rejoindre. Vous qui avez vécu dans les deux continents, vous avez vécu aux États-Unis, vous vivez en France, vous retournez assez fréquemment, si j'ai bien compris, au Canada. Vous avez donc une notion précise des deux modes de vie, des deux civilisations et des deux cadres humains, maison, usine, tout ce que l'homme a rajouté des deux côtés. Est-ce que, vraiment, le climat dans lequel l'homme vit sur les deux continents est si différent qu'on peut dire qu'il y a un des côtés où c'est bien là que ça se passe? Est-ce que l'Américain est vraiment plus préparé à un art qualifié de moderne, et le mot est vilain, que l'Européen? Ça, ça me semble, pour moi, ça m'est absolument presque impossible de le juger, puisque ce qu'on ressent personnellement sur un climat, c'est difficile de le mettre au général. Mon passé, ce que je ressens devant certains milieux, me mettent dans une position pratiquement impossible de travailler en Amérique. Je ne vois pas comment j'y arriverais maintenant. Et ça, c'est pas pour donner un avantage, point. C'est ce bon point, il est pour moi. Je trouve, au fond, Paris en particulier, un endroit où on peut plus se perdre en tant qu'individu. Un artiste à Paris peut vivre isolé, il peut. Alors que là-bas, c'est quand même. Il y a un noyau, ils doivent se défendre, ils sont, au fond, plus traqués, si on peut dire, par la société qui les entoure, qu'un artiste dans Paris, enfin, il fait sa petite vie, s'il veut, et on ne trouvera pas de ce personnage qu'il est un personnage étrange. Il colle, au fond, dans une vie qui peut-être, il ne devrait pas coller, et ça ne devrait pas fonctionner vraiment très bien, mais malheureusement, peut-être pour l'ensemble, on peut passer inaperçu. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot traqué, et j'ai l'impression qu'il est un peu de nature à surprendre, car l'idée que les Européens se font de l'Amérique en ce qui concerne l'art, c'est l'idée d'un pays où les musées sont multiples, d'un pays qui est tellement riche qu'il peut acheter presque toute la peinture qui se fait ailleurs et en France notamment, l'idée d'un pays où justement on entasse partout la peinture du temps, la peinture actuelle, et d'un pays où on la soumet partout, où on la met partout sous les yeux des enfants, sous les yeux des étudiants. Cette double attitude est possible. Mais est-ce que ces musées, enfin, on arriverait à faire une espèce de procès du musée, est-ce que le fait de faire pénétrer dans un musée une toile qui en soi a un contenu de transformation, ne, par la formule même, ne rendrait pas cette toile un peu assagie? Pensez par exemple à certains tableaux qui peuvent encore avoir une puissance, mais j'ai l'impression que le fait d'être mis dans un musée, ça les... Pensez que le devenir de la toile est supprimé. Un peu, c'est-à-dire que, pour arriver à une chose beaucoup plus près de moi, enfin, c'est... est-ce que, par exemple, une toile comme un Van Gogh, par exemple, qui a été mis dans un musée, ne perd pas au point de vue de son contenu, il se trouvera toujours des gens pour le rattraper, pour être ému devant lui, mais on oublie la circonstance dans laquelle il a été fait. On oublie que, par exemple, ce Van Gogh a peut-être été fait le sixième dans la même journée, s'il en a déjà fait six. Enfin, ça peut être dans des circonstances où il n'avait pas ce côté magnifique qu'on présente maintenant. Ça ne l'a pas empêché. Mais ça met à tout ça un côté maître de la part du peintre, du fait qu'il soit passé au musée. Et malheureusement, le peintre, lui, il joue le jeu. Et le jeune peintre, le peintre qui passe au musée, par exemple, il doit défendre sa toile en tant que chef-d'œuvre, comme un chef-d'œuvre qui a été fait avec beaucoup de maîtrise et tout ça, alors que peut-être c'est d'un jet que ça a été fait. Et alors, où faudrait-il mettre la peinture? Ça ne devrait même pas se poser, voilà. Si la question se pose, et que il me semble que je ne saurais même pas moi-même où la mettre vraiment, puisque elle devrait être partout. Elle devrait être partout là où il y a, par exemple, un public qui passe. Mais elle devrait être partout, non pas comme une décoration. Et malheureusement, si on la met dans une gare, si on met une toile dans une gare, on la met à la proportion du mur, et on demande surtout aux peintres d'en faire une décoration. C'est une espèce de transposition. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, on doit la mettre partout, mais à l'endroit particulier où on la met, elle doit dire quoi? Si je mets une toile dans l'école, que doit-elle dire? Et si je mets une toile dans l'usine, puisque lorsque vous avez dit partout, pour moi, ça comprend l'usine, ça comprend le lieu de travail, ça comprend l'école, ça comprend les lieux publics, ça comprend le métro, j'irai jusqu'à dire l'autobus et le bureau de tabac. Et est-ce qu'à ce moment-là, voyez-vous, il se posera ce problème, est-ce que cette toile deviendrait, si elle est vraiment adaptée, dans ce que je l'entends, est-ce que ça deviendrait une distraction ou ça deviendrait un stimulant? Est-ce que la peinture... qu'on supporte, et la peinture qui veut que ça soit une porte d'évasion à la vie qu'on mène, ou est-ce qu'on veut que ça fasse partie de la vie? Encore faut-il s'entendre sur le terme évasion, car je veux bien admettre avec vous qu'elle constituerait une évasion, à condition que cette évasion consiste tout de même dans un minimum de conscience. Que ce ne soit pas un petit rêve bleu, simplement, qu'on propose, parce qu'alors ça, c'est rien. Voilà. Malheureusement, il faut dire que quelques spectateur de la peinture actuelle, tels que, par exemple, parmi les collectionneurs, quelques-uns, semblent passer outre cette question de l'évasion. La majorité, c'est ou pour se renfermer avec un certain nombre de toiles qu'ils aiment, mais un peu, si on pourrait dire, pour sommeiller. Malheureusement, ça, on a bien l'exemple des collectionneurs, par exemple, qui s'arrêtent de collectionner à une certaine époque. Alors, ils prétexteront qu'ils s'arrêtent de collectionner à une certaine époque parce que l'art est tellement vaste qu'il faut que ça soit limité. Moi, je pense qu'au contraire, si le collectionneur ne veut pas uniquement collectionner pour accumuler ou pour des questions matérielles, inconsciemment, il va sauter cette époque. Il arrivera à décloisonner cette... Je ne sais pas, au fond, s'il y en a beaucoup de ces collectionneurs qui peuvent... Parmi les collectionneurs, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de ça. J'en connais, mais ils sont très rares. Et je parle de collectionneurs pour régler. Je parlerai aussi d'amateurs d'art en général. Non, mais attention, quand de on parle... critiques, par exemple. Non. Quand on parle collectionneur, on limite étrangement la question. Car il me semble qu'on ne peut pas ne pas admettre que la peinture, si elle est faite, elle est faite pour tous. Vous disiez tout à l'heure vous-même qu'elle est faite pour être mise partout. Alors, soit une toile mise à l'usine, soit une toile dans la centrale hydroélectrique. Et je prends cet exemple parce que il me semble que la centrale hydroélectrique, avec ce qu'elle implique de barrages, de ciment armé, de formes de machines, de raréfaction de l'homme dans un univers très caractérisé. Il me semble que là, il y a, non pas une image du futur, puisque c'est déjà du présent, mais une image de l'actuel. Et peut-être que cette usine est suffisamment émouvante pour qu'il n'y ait pas besoin d'y rajouter quelque chose. C'est peut-être, je dirais pas une toile, mais c'est peut-être en soi une construction, une architecture, au lequel, par exemple, on n'aurait pas besoin d'ajouter une sculpture, puisque les pièces qui y sont en sont peut-être des sculptures. Mais ça, la machine elle-même est peut-être une sculpture. Mais ça, on ne peut pas le juger à présent. On peut dire d'une forme fabriquée en industrie. Il y a 25 ans, par exemple, je pense à certaines formes de pièces automobiles, par exemple, mais bien, c'est aussi beau qu'une belle sculpture. Mais peut-être que l'artisan qui l'a fait... Cette pièce est un artiste. Et qu'il. C'est une question de rapport entre l'individu et sa connaissance qu'il a du monde. Enfin, mais est-ce que de façon générale, l'homme n'a pas besoin qu'on lui dise avec des formes, comment sont les formes qu'il a sous les yeux? Mais ça, c'est un problème que moi, je pense, que je me pose moi-même, et c'est un peu. Le moteur de ma peinture, je cherche, dans les formes que je crée sur la toile, à donner une possibilité de revoir la nature qui a été, je crois, très faussée par ce qu'on a exprimé de la nature, en abstrayant de la nature certaines formes, en les transposant soit sur une toile, soit en sculpture, et en disant, voilà... Ça, c'est un arbre. Ça, c'est une chaise. Mais si on lit dans le tableau la chaise, on s'aperçoit que c'est pas une chaise du tout, que ça n'a pas la dimension que nous présente l'œil. Mais quand même, c'était l'éducation qu'on a fait. Et maintenant, je crois que on arrivera à écrire plutôt chaise et que ça vaudrait mieux à la place de la représenter, parce qu'en la représentant, souvent on présente absolument rien dans la dimension qu'on propose. On parle toujours du divorce entre le peintre et le spectateur. Mais je me demande s'il ne faut pas retourner un peu la question. Il me semble plutôt qu'au fond, le spectateur fait très confiance au peintre. Il me semble que le spectateur attend vraiment du peintre que le peintre lui dise « voilà, les choses sont telles ». Et j'ai bien l'impression que, au contraire, le spectateur ne sait pas du tout ce que c'est que le réel. Il vit dans une certaine réalité qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas. Et il attend du peintre, du sculpteur, il attend de l'artiste de lui expliquer, de lui dire, de lui affirmer que le réel, c'est ceci. C'est cette toile, c'est ce poème, c'est cette pièce de musique, c'est cette sculpture, c'est cette architecture. Alors là, il accepte de reconnaître. Et quand il s'indigne, quand il voit dans l'œuvre qu'on lui propose de l'incohérence ou de l'anarchie, je ne suis pas sûr qu'il soit très sincère. Même quand il se met en colère, je ne suis pas sûr qu'il soit très sincère. Je crois que ce sont des manières, avant d'accepter, de reconnaître que le réel, c'est bien ce que vous, artiste, vous lui proposez. Mais l'artiste lui-même, il est dans la même situation par rapport au réel, si ce n'est qu'il en a fait un peu sa démarche est plus consciente, mais il est aussi confondu par rapport à ses perceptions. Aujourd'hui, vous avez entendu le monologue du peintre Jean-Paul Riopel, une émission de Georges Charbonnier. Cette émission a été diffusée la première fois le 8 janvier 1957 sur la chaîne nationale. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.